ami. Mais il est parti, ce sont ça ma vie. Titi, le roi de l'enregistrement. Notre technicien du son. Pas mal. Mais un ami. Ouais, je vais l'écouter tranquille. J'avais un ami. Il faut partir sur le 1. C'est dur. Mais il est parti, sans sa vie, il n'est plus en vie, il m'a tout donné, puis s'est effacé, sans me déranger, et je crois que j'ai pleuré. Richard Kolinka, ce soir. Richard Karma Kolinka. Bon alors, Karma, c'est un truc très basique. j'ai raté le départ du train. Je prends le prochain. J'aime bien, on l'a déjà fait, mais bon, là. Merde, j'ai perdu les paroles maintenant. Oh putain. Téléphone. Seul et après vous prenez sur ce... Je recommence. Parce que là, fais un ami. J'arrive pas. Salut Karma. Bon, je mets une batterie. À peu près. Yeah. sans me déranger. Bye.